Chapitre 2e. Le lendemain, nous nous levâmes à midi. 2 heures de marche nous séparaient encore de Palmyre, mais on distinguait parfaitement les sépulcres de cette antique cité. J'avoue que ce ne fut pas sans émotion que je me mis en selle. Voir Palmyre est donné à peu de monde, surtout à peu de femmes. Il y a environ 100 ans que Volney a fait le voyage de Palmyre. Rien n'a changé depuis cette époque. Les ruines sont protégées par le désert qui les sépare du monde, et aussi par la clémence du climat de ces solitudes et la faiblesse des pauvres arabes qui l'habitent. Ils ne pourraient renverser ces ruines, même le voulussent-ils. Je ne saurais mieux faire que d'emprunter quelques lignes à la description de Volney, si juste comme impression première. Après 3 jours de marche dans des solitudes arides, ayant traversé une vallée remplie de grottes et de sépulcres, tout à coup, au sortir de cette vallée, j'aperçus dans la plaine la scène de ruines la plus étonnante. C'était une multitude innombrable de superbes colonnes debout qui, telles que les avenues de nos parcs, s'étendaient à perte de vue en filets symétriques. Parmi ces colonnes étaient de grands édifices, les uns entiers, les autres à demi écroulés. De toutes parts, la terre était jonchée de semblables débris, de corniches, de chapiteaux, de fûts, d'entablements, de pilastres, tous de marbre blanc d'un travail exquis. Après 3 quarts d'heure de marche le long de ces ruines, j'entrai dans l'enceinte d'un vaste édifice qui fut jadis un temple dédié au soleil, et je pris l'hospitalité chez de pauvres paysans arabes qui ont établi leurs chaumières sur le parvis même du temple. Les descendants des pauvres arabes dont parle Volney vivent encore dans l'enceinte du temple. À l'époque de la splendeur de Palmyre, quand ses portiques fourmillaient de promeneurs riches et oisifs, quand le palais de Zénobie, reine d'Orient, regorgeait de courtisans, quand le grand temple était rempli de prêtres, de prêtresses et d'un peuple prosterné, qui aurait dit que la population de cette belle cité se réduirait un jour à quelques misérables bédouins, pour les cabanes desquels ce temple même serait trop vaste. Aucune ruine ne donne une si solennelle leçon de philosophie que celle de Palmyre. Aucun spectacle n'élève l'âme à de si hautes pensées. À Rome, la nouvelle ville distrait de l'ancienne. À Pompéi, on voit les traces de la vie journalière, des usages d'une petite ville antique, ensevelie et consumée par un accident. À Palmyre, on peut se recueillir sans effort. Rien n'a plus refleuri sur ces débris, ni population, ni industrie, ni commerce. Rien n'y est ressuscité. Les quelques bédouins épars qui habitent les ruines du Temple du Soleil ne sont là que pour attester une fois de plus le néant des vanités humaines. Une amère satisfaction saisit la pensée à cette vue. On se souvient de ces personnages si fiers et si insolents qui accablent les faibles de leur puissance, qui jouissent insolemment de leur triomphe, et on n'éprouve plus pour eux et leur petite vanité qu'une dédaigneuse pitié. Nous nous arrêtâmes auprès des portiques près d'un souterrain où coule une source. Le temple du soleil était devant nous. Son aspect extérieur est très beau, son style grandiose. On remarquait à l'est un charmant petit temple avec colonnades et péristyles. De loin, il semblait nouvellement construit. Seulement, en y pénétrant, on voyait que le toit n'existait plus. Notre photographe prit possession, avec ses instruments, de cette petite merveille si bien conservée. On pense que c'était un temple de Diane. À côté se trouve un souterrain avec cuve. On y descend par un escalier de marbre. On prétend que c'était des bains. Nous en profitâmes pour y faire une lessive. Pendant que nous déjeunions à côté du premier souterrain, nous vîmes avec surprise passer à travers les ruines une procession inattendue. Un personnage de distinction marchait en tête. C'était un homme de haute taille, à cheveux gris, vêtu d'un habit militaire avec les insignes de général. Une 20aine de militaires le suivaient 2 par 2. Tout dans son allure dénotait un pacha. Il est d'usage pour eux de se promener ainsi, tant à Constantinople que dans le fond des solitudes. À Boyoub Déré, sur le Bosphore, j'ai compté quelquefois jusqu'à 60 personnes qui suivaient des pachas toujours 2 par 2. Cette suite impose le respect aux populations, là où ils s'en trouvent. Celui qui se promenait ainsi dans les ruines était Omer Pacha, valet de l'Hadj Jéziré. Il nous délégua un de ses aides de camp pour nous demander la permission de nous faire une visite. Quelques instants après, laissant toute étiquette de côté, il était établi sur le même tapis que nous, en attendant qu'on achevât de dresser les tentes, ce qui nous permit plus tard de le recevoir avec plus de cérémonial. Il y avait dans sa suite un médecin allemand qui fut tout joyeux de rencontrer le médecin militaire qui nous avait suivis depuis Karatein. Le Pacha nous dit qu'il poursuivait depuis l'Euphrate la tribu rebelle que nous avions rencontrée et heureusement traversée, et qu'il s'était arrêté à Palmyre, frontière de son Yaled. La tribu ayant pénétré dans l'Ayed de Damas, c'était au Pacha de Damas de sévir contre elle. Il avait envoyé un officier à Karatein et il en attendait des nouvelles, voulant savoir si les Bédouins ne prendraient pas une autre direction. Rien n'est plus insaisissable que les Bédouins. Aujourd'hui ils sont ici, demain ils ont disparu. Dans une nuit, ils dévorent une distance que d'autres parcourent difficilement en 3 jours, et cela accompagné de leurs femmes, de leurs enfants et de leurs troupeaux de chameaux et de chevaux. C'est là le tour qu'ils venaient de jouer au Pacha. Pendant qu'il était en pourparlers avec eux pour le paiement de l'impôt, ils prirent tout à coup leur vol avec une infernale rapidité. Il y avait 14 jours que le Pacha et ses officiers se nourrissaient de biscuits secs et couchaient par terre sur des tapis. Ils étaient partis à la hâte et à la légère. J'offris à Omer Pacha de partager ma table pendant tout mon séjour à Palmyre, ainsi qu'à ses aides de camp et à son médecin. Leur reconnaissance fut grande, car ils avaient été réduits involontairement à la maigre pitance des ermites. Nous eûmes pour le dîner des conserves de potelles et chabots, de bons potages, des homards, des asperges et des pâtés de gibier. On fait de rôtis, du veau et des poulets, et enfin un bon plum pudding. Le tout arrosé d'excellents vins de Bourgogne, d'un bon vin de Champagne, sans compter le café, le raki et les liqueurs. Le bon Pacha disait à ses aides de camp « Est-ce un rêve, messieurs? Nous qui étions hier dans une si grande détresse. C'est sans doute au génie propice de ces ruines que nous devons cette bonne aubaine. Craignons que ces tentes ne disparaissent aussi par enchantement. » Omer Pacha parlait le russe. Il était circassien d'origine et avait servi la Russie. Arrivé au grade de colonel, son amour-propre fut blessé, je ne sais par quel passe-droit. Il quitta la Russie et se mit au service du sultan. Sa vie est très rude. Il reçoit 60 000 francs par an. Sa femme habite Constantinople et lui court éternellement de Bagdad à Palmyre à la poursuite des Bédouins qui ne veulent pas se soumettre à la porte et payer l'impôt. Il me dit qu'il habitait une ville sur l'Euphrate dont les ruines sont encore mieux conservées que celles de Palmyre. Un palais de Zénobie y est presque intact. Les différents étages et les plafonds existent encore. Zénobie fut prise par les Romains, et ceux-ci, dans la hâte de regagner Palmyre, avaient négligé de faire le sac de la ville. C'est là que Zénobie passait les mois les plus chauds de l'année. Ce doit être l'antique Circéum, le Kersiège moderne. Les bords de l'Euphrate sont infestés de lions et de panthères. Ces fauves rôdent aussi quelquefois dans les environs de Palmyre. Avant de visiter les ruines plus minutieusement, je relus le peu que l'on sait de Palmyre dans différents ouvrages que j'avais emportés. Joseph nous apprend, dans l'Antique Judée, livre 8, que Salomon construisit de bonnes murailles autour de cette ville pour s'en assurer la possession et qu'il l'appela Tadmor, ce qui signifie « lieu des palmiers ». Tadmor, ou Palmyra, comme l'appellent les Grecs, fut longtemps une ville très prospère. Elle devait sa prospérité, dit M. Waddington, au commerce d'échanges qu'elle avait organisé entre l'Orient et l'Occident. Elle servait d'entrepôt aux marchandises de la Perse et de l'Inde, que ses caravanes allaient chercher sur le Tigre et sur le golfe Persique. C'est ce qu'on lit dans Pline et aussi dans Appien. Les Palmyréens sont des marchands qui vont chercher chez les Perses les produits de l'Inde et de l'Arabie et les apportent aux Romains. Tant que les Palmyréens surent ou purent se maintenir dans de sages conditions de neutralité, leur activité commerciale fut récompensée par un accroissement incessant de richesses. Mais le moment vint où ils s'allièrent avec Rome, et alors ils se rendirent les Perses hostiles. Ensuite, ils furent écrasés par les Romains. Toutefois, Palmyre conserva son indépendance sous les premiers empereurs. Elle reçut le Ius Italicum et le titre de colonie romaine sous Septime Sévère, ou plus probablement lorsque l'empereur Adrien la visita en l'an 130 ou 131. Elle prit alors le surnom d'Adrianae. L'épisode le plus célèbre, et pour ainsi dire le seul connu de l'histoire de Palmyre, est celui où on le voit apparaître le prince arabe, son souverain, Odaenath, et sa femme Zénobie. Mais comme le fait observer M. le comte Melchior de Voguet, même sur ces deux personnages, les renseignements fournis par les auteurs grecs et latins sont incomplets et souvent contradictoires. Zénobie, quoique son vrai nom fût Batsibina, c'est-à-dire la fille du marchand, était fille d'un prince arabe de la Mésopotamie. Après la mort de son mari Odaenath, assassiné à Émèse, elle prit le titre de reine de l'Orient et étendit sa domination de l'Euphrate à la Méditerranée et depuis le désert de l'Arabie jusqu'au centre de l'Asie mineure. Les Romains ne pouvaient voir ces agrandissements avec indifférence. Galien lui fit la guerre, mais sans succès. L'empereur Aurélien remporta sur elle les victoires d'Antioche et d'Émèse et assiégea ensuite Palmyre, qui fut alors en grande partie détruite en l'an 273. Zénobie chercha son salut dans la fuite, mais Aurélien l'atteignit à Cerchéum au bord de l'Euphrate, l'emmena prisonnière à Rome et la fit paraître à son triomphe. Il lui donna pour retraite Tibur, où elle acheva sa vie obscurément. Le principal conseiller de Zénobie avait été le célèbre Longin, Cassius Longinus, qu'elle avait attiré à sa cour. À la prise de Palmyre, il paya de sa tête la faveur dont il avait joui auprès de sa souveraine. Il subit son supplice avec courage. On attribue à Longin le traité du Sublime, un des meilleurs morceaux de critique que nous aient laissé les anciens. La ville de Palmyre ne se releva point de sa ruine, quoique Dioclétien eût réparé quelques-uns de ses édifices et que Justinien l'eût entouré de fortifications. Elle n'exista bientôt plus qu'à l'état de souvenir. On l'oublia même complètement pendant une longue suite de siècles, si bien qu'en 1678, les négociants anglais d'Alep, ayant entendu les récits des Arabes sur la splendeur de ruines situées dans le désert, ne voulurent y croire qu'avec beaucoup de peine. Ils se décidèrent cependant à en tenter la découverte. Une première expédition échoua, mais ils furent plus heureux en 1691. Leurs relations publiées dans les Transactions philosophiques trouvèrent beaucoup de contradicteurs. On ne pouvait se persuader qu'il existait une ville si grande dans un endroit si écarté. Depuis, les voyageurs Dawkins et Wood levèrent tous les doutes. Nous avions apporté de Damas des feux d'artifice. Nous les fîmes allumer le soir. Les ruines furent animées par les cris de joie de nos hommes qui couraient à droite et à gauche en portant des feux de Bengale. Cette illumination produisit un effet féerique. En s'inspirant de ce spectacle, on pourrait peindre un décor d'opéra superbe, et l'histoire de la reine Zénobie prêterait un intéressant libretto. À part les colonnades en marbre, il y avait plusieurs colonnes en granit rouge. Une de ces colonnes gît à terre et une autre est debout. Elles sont d'une hauteur et d'une grosseur remarquables. Le lendemain, nous fîmes une promenade d'exploration dans les ruines. L'ensemble qu'elles forment est surprenant de magnificence. Ce sont partout des colonnades disposées en longues avenues, interrompues par des portiques formant quelquefois des carrés au milieu desquels on découvre le piédestal d'une statue disparue. On y voit aussi de petits temples, purs de forme et bien conservés. Les sources, qui ont un affreux goût soufré et possèdent des qualités curatives, courent à travers les ruines dans les souterrains. Elles n'apparaissent à ciel découvert qu'à l'extérieur de la ville, près des jardins de palmiers et de grenadiers. La plus importante de ces ruines est sans contredit le temple du soleil. La cour carrée qui entoure le temple est formée par une muraille de 30 mètres de hauteur. Elle est ornée extérieurement de pilastres qui supportent une corniche et les garnit de fausses fenêtres. On entre par une triple porte qui était précédée d'un portique orné de 10 colonnes complètement en ruine. L'entrée centrale avait 10 mètres de haut sur 5 de large. Les montants et les linteaux étaient sculptés et ornés de fruits et de fleurs. La cour est immense. Elle a 250 mètres environ de côté. Une double colonnade régnait tout autour. Une centaine de colonnes sont encore debout. Quelques-unes sont même surmontées de leurs architraves. Au milieu de la cour s'élève le temple. Les colonnes ioniques et cannelées étaient surmontées de chapiteaux en bronze, dont il ne reste plus que des débris. Le péristyle était formé de 12 colonnes. L'intérieur du temple est complètement ruiné, et à chacune de ses extrémités se trouve une petite chambre. On voit à celle du nord un plafond monolithe où l'on distingue encore les signes du zodiaque. Les cabanes des Bédouins sont toutes renfermées dans ce temple. La grande colonnade s'étendait sur une longueur de 1200 mètres et avait 4 rangées de colonnes. Ces colonnes, au nombre d'environ 1500, appartiennent à l'ordre corinthien. Elles ont 18 mètres de hauteur, y compris la base et les chapiteaux. Aujourd'hui, il n'y a la guerre plus de 200 debout. Vers le milieu de cette avenue, la colonnade fait un coude formé par 4 piliers. À l'extrémité ouest de l'avenue se trouve un magnifique tombeau. 6 colonnes en ornent le portique et l'intérieur est percé de niches sépulcrales. Près de la colonnade se trouve une porte monumentale qui donne accès dans un long espace de forme carrée entouré de débris de murailles et de colonnes encore debout, mais à demi enfouies dans le sable. On suppose que ces ruines, qui sont les plus belles et les mieux conservées, formaient autrefois l'enceinte du palais de Zénobie. J'ai trouvé dans le sable une multitude de petits débris de colliers de cornaline et d'une pierre blanche semblable à l'agate, une quantité de petits camées et une verroterie bleue ressemblant à s'y méprendre à des saphirs. Le consul me dit qu'un jour un arabe lui avait apporté un véritable saphir qu'il disait avoir trouvé dans les sables de Palmyre. J'achetai un bédouin, un camé, pierre dure blanche représentant une tête d'homme avec une barbe. Nous allâmes aussi visiter les tombeaux en forme de tour situés à droite et à gauche de la vallée qui donne entrée à Palmyre du côté de Karatein. Le plus grand et le plus beau a la forme d'une tour carrée, haute d'environ 30 mètres. Il est situé sur une colline formant la première assise de la chaîne de montagnes de droite. Cette tour et celle qui lui fait face s'aperçoivent de loin dans le désert et font le désespoir des voyageurs qui les voient bien longtemps avant de les atteindre. L'intérieur de la plus grande est divisé en 4 étages. On y entre par une porte richement sculptée, surmontée de 3 fenêtres superposées. La chambre intérieure a 6 mètres de haut, environ sur 8 de long et 5 de large. Elle est ornée de pilastres entre lesquels se trouvent des jours à cercueil et d'un enfoncement circulaire dans lequel il y avait 5 bustes. On voit aussi tout autour des portraits peints sur un fond bleu clair. Les couleurs sont encore aussi fraîches que si l'artiste venait d'y mettre la dernière main. Mais les traits des visages sont à demi effacés. Les chapiteaux des pilastres sont sculptés en feuilles d'acanthe. Un escalier à moitié écroulé relie les étages entre eux. Tous les cercueils ont disparu, excepté un seul au 3e étage. Il est resté entier à cause de l'écroulement des murs qui l'entouraient. Un arabe à nos ordres grimpa jusqu'à lui, mais ne put l'atteindre qu'avec l'extrémité d'une pique. Nous n'avions pas d'échelle avec nous, ni même d'instrument assez fort pour attaquer ces pierres durcies par les siècles. En visitant les autres tours, nous trouvâmes des momies très bien conservées, mais non entières. Ce n'étaient que les crânes des unes et les bras, les pieds des autres. Nous découvrîmes aussi un bras de jeune femme d'une forme charmante et d'une jolie couleur ambrée. Sur la montagne, on voit une forteresse de date beaucoup plus récente. On pense qu'elle a été construite au temps de Tamerlan. Nous allâmes examiner de près une colonne monumentale entourée de débris. Haute d'une 20aine de mètres, elle porte une inscription en langue araméenne indiquant qu'elle fut élevée en l'honneur d'Al-Ilamos par le peuple et le Sénat. Les Arabes apportèrent au consul un superbe bas-relief représentant des amours. Il l'acheta pour l'offrir au musée de Saint-Pétersbourg. Des cheikhs bédouins vinrent nous rendre visite. Tous étaient bruns, minces, avec des yeux brillants. Devraient-ils pas peindre? Ces bédouins m'examinèrent avec étonnement et finirent par demander au consul si toutes les femmes de mon pays étaient comme moi. Le consul leur demanda le motif de leurs questions. Ils répondirent « Mais si toutes les femmes sont chez vous comme celles-ci, elles ne peuvent travailler. » Mes vêtements et mes chaussures les mirent dans la stupéfaction. Ils demandèrent à les voir de près. Je leur donnai une de mes mules en satin bleu brodée d'or et garnie de dentelles faites à Paris. Ils l'examinèrent avec curiosité en la tournant de tous côtés dans leurs mains noires et crochues et s'en allèrent convaincus que les maris occidentaux devaient être bien malheureux. Nous restâmes plusieurs jours à Palmyre et fîmes des promenades dans les ruines avec un intérêt toujours croissant. J'y ramassai quelques têtes de statues en marbre blanc. Il y en avait d'assez jolies, mais pas d'entières. Les montagnes bleuâtres qui entourent Palmyre sont d'un attrait particulier. Les lignes sont gracieuses et leurs couleurs varient toute la journée, du bleu pâle à l'outre-mer et du rouge vif au rose tendre. On aperçoit au loin dans le désert des nappes d'un blanc éblouissant qui sont des salines. Nous eûmes un jour le spectacle d'un orage, phénomène rare au mois d'avril dans ces parages. La pluie tomba sur les montagnes, mais nous n'en reçûmes pas une goutte. Nous étions sur une des pentes du défilé des sépulcres. Palmyre nous apparut blanche et lumineuse sur le fond noir des nuages de l'horizon. C'était un spectacle sublime que cette désolation et cette lumière vivace qui semblait vouloir tirer ces ruines du néant en leur prêtant un reflet de vie. Cette forêt de colonnes se détachait admirablement sur le désert infini qui formait le fond du tableau. Mon temps étant limité, nous dûmes faire nos préparatifs de départ et nous dîmes adieu à Palmyre, laissant le pacha y attendre seul des nouvelles des bédouins. Nous fîmes des cadeaux de koufia, des mouchoirs en soie et d'abaya dorés, des manteaux arabes, aux bédouins de Palmyre et aux cheikhs des autres tribus rôdant dans les environs pour leur laisser un bon souvenir de notre voyage. Il faut être aimable avec ces gens-là. On les contient par de petits cadeaux. Si on les leur refuse, ils sont capables des plus grands actes de brigandage. Ce fait est arrivé maintes fois à plusieurs Anglais, et précisément à cette époque, deux caravanes furent entièrement dépouillées, l'une au-delà du Jourdain et l'autre près de Gaza. Les Anglais avaient refusé avec arrogance quelques présents de sucre et de café. Le gouvernement, à la suite de tous ces méfaits, ruina les Bédouins qui furent obligés d'émigrer en Égypte. Mais en attendant une vengeance inutile, il serait fort désagréable et pénible de se trouver sans habits, sans provisions et sans bêtes de somme au milieu du désert. Nous quittâmes Palmyre à 4 heures du soir, par un vent terrible qui soulevait des nuages de sable. Nous ne marchâmes que 2 heures et nous nous arrêtâmes encore une fois à la source des sangsues. La respiration était coupée par le vent et aucune coiffure ne tenait sur la tête. Les tentes retombaient un moment après qu'on les avait dressées, de sorte qu'on ne pouvait s'y réfugier. Des nuages obscurs tourbillonnaient au-dessus des montagnes tout autour de nous. La pluie et les éclairs y faisaient rage, tandis que nous avions au-dessus de nous un ciel pur et d'un bleu intense. Les mulets et les chameaux, épouvantés par les éclairs qui sillonnaient l'horizon autour de notre campement en désordre, couraient de tous côtés, affolés par la peur. Sur le versant des montagnes de l'Est, on voyait une nombreuse tribu de Bédouins qui défilaient apparaissant entre les nuages. Quelquefois un rayon de soleil les éclairait en plein, puis un nuage bleu-gris nous les cachait de nouveau. Plusieurs Bédouins vêtus de blanc se détachèrent de la tribu et fondirent sur nous au galop, faisant mine de nous attaquer. Nos cavaliers et nos soldats prirent une attitude défensive et coururent à leur rencontre. À cet aspect, les Bédouins s'enfuirent vers la montagne, où nous ne les poursuivîmes point, heureux d'en être débarrassés. Cependant, on parvint, quoique non sans peine, à placer les tentes et à calmer les bêtes. Toute la nuit, nous fûmes sur le qui-vive, tant à cause du voisinage des Bédouins qu'à cause du vent qui menaçait de renverser nos tentes. Nous refîmes le même trajet jusqu'à Karatein, mais plus péniblement. Retraverser le même désert n'est jamais bien divertissant, et nous étions harassés de fatigue. À Karatein, le beau Sheik nous dit que l'orage qui avait sévi sur ces contrées avait emporté toute la terre ensemencée autour du fort. Et vraiment, tout était lavé, comme si jamais aucune culture n'avait remué ces terrains. Nous partirent pour Homs et Mez, ville de 20 000 habitants. Le gouverneur de cette ville et les autorités ecclésiastiques nous avaient préparé une rencontre solennelle qui fut manquée. Pendant que les autorités et la population se portaient à l'antique porte de Palmyre, nous entrions modestement par la porte donnant vers l'ouest. À notre arrivée sur la place, ils nous rejoignirent. Notre campement ressemblait à un caravansérail. Les sentinelles nous portaient les armes au moindre de nos pas, d'une tente à l'autre, et un peuple de curieux encombrait les alentours. Les dames vinrent me faire des visites. Au lieu de repos, nous n'eûmes que des réceptions du matin au soir. J'achetai un superbe tapis tissé soie or pour lequel le marchand me demanda d'abord 800 francs. Il me le céda après pour 400. En se retirant avec force salutation, il fit au consul qui avait négocié cette affaire un présent en guise de pot de vin. C'était tout simplement une poignée de pistaches salées, ce qui nous fit considérer les marchands de Homs comme des gens naïfs et sauvages. Nous vîmes arriver sous nos tentes le cheikh Mejneli, le mari de Lady Ellenborough. Il venait à la hâte de Damas. La tribu dont il était le chef venait d'être attaquée et pillée par une autre tribu très turbulente. Les moutons, source principale de son revenu, avaient été emmenés, bien que Lady Ellenborough eût armé de quelques revolvers la tribu de son mari. Malheureusement, les Bédouins ont peur de cette arme et la gardent respectueusement à la ceinture. Toutes leurs préférences sont pour les armes traditionnelles, pour l'arme blanche ou les lances de jonc. Le cheikh Medjouili a une belle tête et une figure digne et expressive. Son seul défaut est d'être trop petit de taille. Lady Ellenborough, qui était vice-reine des Indes et que j'avais vue plusieurs fois à Damas, est encore, malgré son âge, une belle femme. Tous ceux qui ont été à Munich ont pu admirer son portrait dans la galerie des beautés du roi Louis Ier. Elle joint à la beauté une âme peu commune. Il faut avoir bien des ressources en soi-même et être d'une trempe peu ordinaire pour vivre et se suffire dans un pays si peu civilisé. Nous quittâmes Homs, dont les misérables constructions ne peuvent donner aucune idée de l'antique splendeur des Mez. Nous prîmes la direction de Baalbek en côtoyant le lac Boratei Homs, sur les bords duquel florissait autrefois le culte d'Adonis. Après avoir passé une journée chez le cheikh de Deir Maroun, un village maronite, nous poursuivîmes notre route vers Baalbek, Zalé et Sora, où je me séparai du consul qui retourna à Damas. Avant d'arriver à Beyrouth, je m'attardai sur les sommets du Liban en admirant ces montagnes incomparables. Les neiges du mont Sanin reflétaient en rose les derniers rayons du soleil. De l'autre côté de la vallée de la Bekaa, le Djebel et Sheikh, le mont Hermon, se profilaient majestueusement en dominant les chaînes de l'anti-Liban. La poésie de ce pays, la diversité des races qui l'habitent, compose un spectacle d'une curiosité émouvante. Les types des habitants font de presque chacun d'eux le sujet d'un tableau étrange. Combien de fois m'est-il arrivé de rencontrer avec intérêt un cavalier isolé, vêtu d'une abaya brune, la tête pittoresquement enveloppée d'une koufia retenue par un cordon de poils de chameau, la longue lance de jonc flexible sur l'épaule. Il cheminait gravement, avec une expression de calme grandiose semblable à celui des rochers éternels qui l'entouraient. D'où venait-il? Où allait-il? Je me gardais bien de le lui demander. Toute explication m'aurait ôté la poésie de cette apparition. Bientôt, je dus descendre à Beyrouth, où je m'embarquais pour regagner la mercantile Égypte et me replonger dans toutes les petitesses de la vie humaine. L'Èbre, le même bateau qui m'avait amené à Jaffa, m'emporta vers la terre dégénérée des pharaons. Ainsi s'achève Voyage à Palmyre par Lydie Pashkov.